strain and a whole lot of doubt. Chaque semaine, à la même heure, sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. I am a government man, teaching youths them right from wrong. No bother come here with no segregation. No bother come here with no disillusion. A King Selassie I am in my government. Teach you them right from wrong. Look who the east with the coming king. Selassie is the only one who's there. Them a come here with them a Chris and Jer. There is nobody you can compare. We shout it out very loud and clear. We a go beat down Babylon them with the snare. Look to the east with the coming king. Selassie is the only one who's there. Whoa. Nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. I can Selassie I am in my government. Teaching youths them right from wrong. Nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. King Selassie I am in my government. Teaching youths them right from wrong. Bless the man that walketh in the righteous path, for there is the kingdom of Zion. Yeah, we deliver great songs all over the world, and with the children them are reliant. Yeah, open their eyes, show them a better vision. Equal rights and me say no division. Yeah, right in them future, give them education. Selassie is the conquering lion. Yeah, nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. A King Selassie I am in my government. So teach youths them right from wrong. Nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. A King Selassie I am in my government. So teach youths them right from wrong. Marcus Garvey said, look to the east with the coming king. Selassie is the only one who's there. Whoa, whoa. Them a come here with them a Chris and Jer. There is nobody you can compare. We shout it out very loud and clear. We a go beat down Babylon them with the snare. Look at the east with the coming king. Selassie is the only one who's there. Whoa. Nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. I can Selassie I am in my government. So teach youths them right from wrong. Yeah. Nobody come here with no segregation. Nobody come here with no disillusion. King Selassie I am in my government. So teach youths them right from wrong. Yeah. Mount Zion. Vous êtes toujours dans la 85e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On a attaqué très fort là. On a commencé avec The Antidote, le nouveau Stupeflip, Temate Control, le nouveau Suicidal Tendencies, No Segregation de Matthew McAnuff, Allez donc au diable, le nouveau Yalis, et on a fini ce bloc en live avec In My Darkest Hour de Megadeth. On poursuivra cette émission avec une autre nouveauté, White City, le nouveau Pretty Reckless, c'est sur l'album Who You Selling For, son troisième album sorti le 21 octobre 2016. On retrouve Oh My God, Back to the River et The Devil's Back, entre autres. Il est mieux que le précédent, j'aime beaucoup la voix. On continuera avec une autre nouveauté et on descend dans la rue. Le nouveau Social Diktat, c'est extrait d'un album à paraître, des nouvelles très vite. J'ai hâte de vous faire écouter. Allez sur la page Facebook de Social Diktat, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et on poursuivra avec du classique Botanical Roots de Black Uhuru. C'est sur l'album Anthem, sorti en 1984. On retrouve What Is Life, Try It et Bull in the Pain, un album classique du reggae. On poursuivra avec une autre nouveauté, Blood Red Tide, le nouveau Dead Acid People, c'est sur l'album Mocker Feathers, sorti le 28 mai 2016. On retrouve Sell Me to the Dust, Burnout et Ashes. Allez sur la page Facebook de Dead Acid People, ils sont aussi sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Pas Fréquentable de Satan Jokers, c'est sur l'album Trop Fou Pour Toi, aussi sorti en 1984. On retrouve Bienvenue au Sabbat, Vice Privé et La Marche Hérétique. Un bon album qui vieillit bien, que dis-je, du bon son classique. Yeah. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Vous êtes toujours dans la 85e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un super bloc là. White City, le nouveau Pretty Reckless. On descend dans la rue, le nouveau Social Diktat. Allez sur la page Facebook de Social Diktat avec un K Diktat. On a continué ensuite avec Botanical Roots de Black Uhuru. On a écouté le nouveau Blood Red Tide, le nouveau Dead Acid People. Et on a fini ce bloc en live avec Pas Fréquentable de Satan Jokers. On continuera cette émission avec We'll Meet Again de Pantera. C'est sur l'album Power Metal, leur premier album sorti en 1988. On retrouve Walk the World, Over and Out et Death Trap le premier album où Phil Anselmo est au chant d'ailleurs. On continuera avec une nouveauté, Lux Aeternae, de le nouveau Acroma. C'est sur l'album Apocalypse Requiem qui sort le 5 mai 2017. On retrouve Kyrie, Sanctus et In Paradisum. Un magnifique album de métal progressif. Allez sur la page Facebook de Acroma. Ils sont aussi sur Bandcamp. Allez les découvrir, c'est excellent. On continuera ensuite avec Rich, le nouveau Alborosi, c'est sur l'album Freedom and Fire, sorti le 23 mai 2016. On retrouve Ken Cool, Judgment et Strolling notamment, un excellent album. On continuera avec une autre nouveauté, Empires of Shame, de nouveau Frustration. Ah oui, il y en a des nouveautés hein, cette semaine. C'est aussi le titre de l'album, sorti le 14 octobre 2016, donc Empires of Shame. On retrouve Just Wanna Hide, la superbe Cause You Run Away et l'excellent Mother Earth in Hags. Allez sur la page Facebook des Frustrations, ils sont aussi sur Bandcamp et sur YouTube. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et on finira ce bloc en live, avec Bring Your Daughter, et en vinyle d'ailleurs. Avec Bring Your Daughter to the Slaughter de Iron Maiden, c'est sur l'album A Real Live One, leur deuxième album live, sorti le 22 mars 1993. On retrouve Be Quick or Be Dead, Can I Play with Madness et bien sûr Fear of the Dark. Yeah. Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Just

Florida. Sing, fetch your daughter, bring me your daughter. Fetch your daughter, bring me your daughter. Bring me your daughter to the slaughter. Bring me your daughter. Bring me your daughter. Bring me your daughter to the slaughter. Dans la 85e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter We'll Meet Again de Pantera, Lux Aeterna, le nouveau Acroma, Rich, le nouveau Alborosi, Empires of Shame, le nouveau Frustration, et on a fini ce bloc en live avec Bring Your Daughter to the Slaughter, et en vinyle d'ailleurs, de Iron Maiden. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Lady Beltham, le nouveau Sandy Trash, et sur l'album Tu veux monter dans le wagon, sorti le 4 novembre 2016, on retrouve Gogo Pussy, Bazooka, et une superbe reprise de Fuck Them All de Mylène Farmer. Allez sur la page Facebook de Sandy Trash, un petit like au passage, ils sont aussi sur Bandcamp, et eux aussi m'ont envoyé l'album avant la sortie. Merci à eux et bis à eux du côté de Périgueux. Alors là, pour les 3-4 morceaux à suivre, surtout les 3 prochains, on va rester dans du son de chez moi. Vous savez, je parraine une association, l'œuf de pierre, qui promeut les talents locaux en musique. Et là, les 3 groupes qui vont suivre sont locaux, quoi, sont de chez moi. On commencera d'abord avec Marcel de PH7. C'est sur l'album Celui qui dit qui est, sorti en 1999. On retrouve Jean-Marie Cochon, Ta mère et Urinator et plein d'autres. D'ailleurs, le chanteur Thierry Exbraya vient de monter un autre groupe, Beta Bloqué, PH7 étant suspendu. Ils seront en concert le 7 mai, le dimanche 7 mai à Chassepignac. Et bientôt dans l'émission, je passerai du son de Beta Bloqué. On continuera donc avec Élection Déception de Morchaine 43. Faut bien que je me mette un peu de temps en temps. C'est un morceau que j'ai écrit pour l'actualité. Je viens d'éditer un album numérique, 14 titres, Talkover, qui est sur Bandcamp, téléchargement gratos. Ou vous laissez ce que vous voulez, mais bon, le plus simple, quand ils mettent name price, vous mettez 0.00 et vous l'avez en zip sur votre bureau. Et donc, viendez et likez la page Facebook de Morchaine 43. Il y a aussi une page YouTube parce que j'ai une chaîne de clips. Je filerai les liens un peu plus tard. On continuera avec une nouveauté et une exclusivité, toujours en son du Puy-en-Velay, Les Pays du Velay de Inga Lawash, extrait d'un EP à sortir. Ce sera le single, et merci à Inga Lawash de me l'avoir envoyé en exclusivité. Allez sur la page Facebook de Inga Lawash, Morchaine, Beta Bouclé, je filerai les liens la prochaine fois. Et on finira ce bloc avec Victime de l'État en live des Apaches, c'est sur l'album Agitateur, sorti en 2002. On retrouve Sale Journée, Rien ne va et Prisonnier, entre autres, du très très bon son live. C'est bien, Fantomas. Veuve envoûtante, au bras de son amant. Elle rêve d'amour, de pouvoir, de diamants. Jalouse, fougueuse, le sourire des âmes. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Quand ils sont chauds, font les beaux sur leurs grands panneaux. Avec leur programme décevant, tous veulent devenir président. Pas une idée valable, avec des campagnes de dingue. Ils nous prennent pour des caves et préfèrent faire des bringues. Il ne rentre pas dans votre urne. Et je peux pas rester dans ma turne. Aucun de vos 11 candidats est tout blanc. C'est assez, votons. blanc. Ce système s'effondre sur nous, toujours plus pour les patrons. Les ouvriers, on s'en fout, nous prennent vraiment pour des cons. Président délinquant, détourne des millions. Son immunité en avant ne passe pas par la case prison. Mon pavé ne rentre pas dans votre urne, et je peux pas rester dans ma turne. Aucun de vos 11 candidats est tout blanc, c'est assez, votons blanc. Certains redressent sortent de tort, avec leur programme retort. N'ont vraiment pas peur, se présentent même pas chez le procureur. Et nous, on est là comme des cons, à voter pour des bons à rien. Qui va nous donner du bâton? Citoyens, votez bien, votez rien. Mon pavé ne rentre pas dans votre urne, et je peux pas rester dans ma turne. Aucun de vos 11 candidats est tout blanc, c'est assez, votons blanc. Ils traînent tous des casseroles et veulent redresser un pays dont l'argent est dans les fiscaux paradis. C'est ainsi que s'envolent nos économies. De quoi avons-nous le plus besoin? Qui sait où sont les freins? Ces politocars sont des bâtards en route pour une nouvelle histoire. Mon pavé ne rentre pas dans votre urne, et je peux pas rester dans ma turne. Aucun de vos 11 candidats est tout blanc, c'est assez, votons blanc. Dans la foulée, les législatives, qui sera notre prochain amputé? En ces temps de paix toute relative, sont pas finis de nous faire suer. Quand bien même nous allons voter, si les élections changeaient les choses, ce serait interdit et pour cause. Nos gouvernants ne pensent qu'à s'engraisser. Mon pavé ne rentre pas dans votre urne, et je peux pas rester dans ma turne. Aucun de vos 11 candidats est tout blanc, c'est assez, coton blanc. Élection déception, élection déception, élection déception, élection déception, élection déception.

vous êtes toujours dans la 85e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter Lady Beltham, le nouveau Sandy Trash. Et là, je suis fier d'avoir pu vous proposer un peu un panel de la musique du Puy-en-Velay. Marcel de PH7, Élection Déception de Morchaine 43 et Pays du Velay de Ingalawash. Et on a fini ce bloc en live avec Victime de l'État des Apaches. On continuera cette émission en vinyle et en live avec Hard to See de Five Finger Death Punch. C'est sur l'album War is the Answer, leur deuxième album sorti le 22 octobre 2009. On retrouve Dying Breed, Bulletproof et Walk Away notamment. On continuera avec une nouveauté qui n'est pas tout à fait une nouveauté. I Am the Fire de Allerstrom. C'est sur l'album Into the Wild sorti le 10 avril 2015. On retrouve Scream, Bad Girls World et Gotta Get Me, Mine. Pardon. Une sacrée voix et un sacré bon groupe. Ils viennent de sortir un best-of, d'où le terme de nouveauté. On poursuivra avec du culte de Dread Lion de Lee Scratch Perry. C'est sur l'album Super Ape. Sorti en août 1976, on retrouve Zion's Blood, Black Vest et 3-in-1 du son dub culte. On continuera en son culte avec Love is a Rodeo de Golden Earring, c'est sur l'album Switch, sorti en mars 1975. On retrouve Kill Me ce soir, Tons to Time et The Lonesome DJ, et on reste dans du son culte, mais culte. Et on finira ce bloc en live avec Zimbabwe de Bob Marley and the Wailers. C'est sur l'album Live Forever. C'est son dernier concert le 23 septembre 1980. Je rappelle qu'il est décédé le 11 mai 81. On retrouve Natural Mystic de Iten et In This Love, et entre beaucoup d'autres. C'est un double CD et ça c'est du son, mais c'est patron quoi. I am going so distant, nothing makes sense to me anymore. All my anger, I can't seem to get this through. The walls, they're closing in. I dare you to. I can't explain what's come over me. I can't. We'll be right back. side. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Fire, king of the jungle. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. And in this joy. achete na an Zimbabwe kote tredi kote in an Zimbabwe Africans are liberate Zimbabwe Zimbabwe ayana ya liberate Zimbabwe Zimbabwe to divide and rule could only tear us apart d'écouter Hard to See en vinyle live de Five Finger Death Punch, I Am the Fire, le nouveau Hellstrom, Dread Lion de Lee Scratch Perry, le grand classique Live is a Rodeo de Golden Earring, que dis-je, le son culte, et on a fini ce bloc en live avec Zimbabwe de Bob Barley and the Wailers. Cette 85e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Je filerai les liens pour écouter Indie Spirit, puisque ça y est, c'est décidé, je serai le mardi à 21h sur Indie Spirits. Voilà, on finira cette émission avec Voodoo Child de The Jimi Hendrix Experience. C'est sur l'album Electric Ladyland, sorti en 1968, le dernier album d'Hendrix. On retrouve Have You Ever Been to Electric Land, Gypsy Eyes et Still Raining, Still Dreaming. Que dire? Bah rien, si ce n'est du respect. Et Hendrix est décédé le 18 septembre 1970 à l'âge de 27 ans. Et oui, c'est le club des 27 et c'est du son, mais archi culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Allez, salut à toutes et toutes, la tribu! Yeah.